reportage. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le petit fait encore des siennes. La diplomatie et l'influence par le chéquier. On estime à peu près à 50 milliards de dollars les excédents financiers annuels du Qatar. Retour sur le Qatar. Qui cherche à se positionner comme une puissance influente. Ils se disent que si les autorités du Koweït avaient organisé la Coupe du Monde en 1990, l'Irak ne les aurait pas envahis. C'est 1,7 million d'habitants, mais surtout 200 000 autochtones. Ce petit pays voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn rompre leurs liens diplomatiques avec lui. Il y a aujourd'hui des associations, des groupes qui, au nom d'une religion ou au nom d'actions caritatives, recueillent des dons privés qu'ils détournent. Si l'émir nous demande notre avis, alors on lui dit sincèrement notre avis. Et s'il ne vous pose pas la question, vous gardez votre avis pour vous, il ne compte pas. Comme nous l'évoquions hier, le Qatar inscrit sa logique diplomatique comme un petit qui doit faire alors qu'il est entouré de grands. Arabie Saoudite, Irak, Iran. Le pays partage avec l'Arabie Saoudite la même version des préceptes du Coran dictée par le wahhabisme. Qu'en est-il de la version pratiquée au Qatar? Se montre-t-elle aussi intransigeante qu'en Arabie Saoudite? Nous retrouvons notre invité, Jérôme Lavandier. Je ne pense pas être en mesure de pouvoir vous raconter ce qu'était la pratique aux origines, au moment donc où les Qatariens donc découvrent le wahhabisme, s'en imprègnent, s'y convertissent. Je peux vous dire aujourd'hui ce qu'il en est. D'une part, bon, le wahhabisme, donc je ne sais pas si les auditeurs sont familiers. Est-ce qu'on, quand on parle de wahhabisme, n'hésitez pas à nous faire une piqûre de rappel. Je vais la faire très légèrement et très très très humblement parce qu'on est sur des sujets qui animent vite la passion. En fait, il y a un courant dans l'islam qui s'appelle le salafisme. Le salafisme prône le retour au mode de vie du temps du prophète. Le wahhabisme est une expression du salafisme. On va dire que c'est un des courants salafistes. Et c'est un courant qui est devenu majeur dans la mesure où il naît en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ses dirigeants sont convertis au wahhabisme et la richesse pétrolière ne fait qu'abonder, permet de... Voilà, à créer les postes relais. Ah, oui, plus que ça. Ça permet d'instituer quelque chose qui aurait pu rester peut-être s'il n'y avait pas eu les richesses d'hydrocarbures, enfin, leur exploitation. Confiné à la. Oui, ça aurait pu être à tout à fait. D'une secte exactement. Ouais. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le Nejd, dans cette partie du désert de la péninsule arabique. C'est une appellation géographique? C'est une appellation géographique. Les gens du Golfe se revendiquent souvent. D'ailleurs, si vous allez un jour à Riyad, vous mangerez la cuisine du Nejd. C'est cette partie donc du désert, quoi. Donc la péninsule arabique. On est dans le nord-est de la péninsule arabique. Donc dans cette partie-là, ce qu'on appelle le Nejd. C'est quelque chose d'important parce qu'en fait, quand on regarde sur le plan tribal, les tribus donc auxquels appartiennent les dirigeants qatariens, et une grande tribu, un grand ensemble qu'on appelle les Banu Tamim. Il faut remarquer que l'actuel amir du Qatar s'appelle Tamim. Les Banu Tamim, c'est une tribu qui donc effectivement est présente sur la péninsule qatarienne, mais qui s'étend jusque dans les confins de l'Arabie Saoudite. On a d'ailleurs ça remonte par certaines branches jusqu'en Irak, au Koweït, dans certains. Voilà, il y a des poches qu'on va retrouver jusqu'en Syrie. On était sur des populations nomades, les tribus étaient nomades. Et voilà, donc il y a des familles, des clans, mais au sommet, on peut parler de grand ensemble, et les Banu Tamim. Donc le Nejd est quelque part le fief des Banu Tamim. Le territoire, leur tout territoire. Tout à fait, oui, tout à fait. Et ça a des implications très concrètes, puisque en définitive, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure sur le plan de comment vit-on au Qatar. Alors, si vous assistez à un mariage qatarien, il n'est pas rare que lors du mariage. Le mariage se fait, les hommes sont. Ça peut d'ailleurs même être sur des dates séparées. Un jour, puis un jour les hommes, le lendemain les femmes. Donc le mariage se fait entre hommes et le mariage se fait entre femmes. Le mari et son épouse ne sont jamais présents publiquement en même temps. En tout cas, voilà. Jamais. Alors, écoutez, je ne suis pas, je sais pas quand ils de vont. De ce que vous avez pu. Voilà, ce à quoi vous avez sur assisté. La question, savoir s'ils vont au tribunal coranique. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, pour quelqu'un qui, je veux dire, un des proches de la famille, ou des amis comme moi qui peuvent s'y rendre, on n'a pas accès à ça. Les hommes et les femmes restent séparés. Et donc, lorsque vous êtes assis dans ces grandes tentes qu'on appelle des majlis, tout le monde est assis, où on joue de la musique, vous avez le marié, il appartient à une tribu, et là, vous vous rendez compte que sous la tente, il y a souvent moins de la moitié des personnes qui assistent au mariage qui sont qatariennes. Vous avez les membres des tribus, de la tribu qui viennent du Koweït, qui viennent d'Arabie, généralement de l'est de l'Arabie, puisqu'on est vraiment à proximité. Et c'est très intéressant de voir que l'identité de la tribale reste extrêmement forte. Et je trouve que c'est, les moments de mariage, ça saute aux yeux, puisque vous saluez des gens qui vous disent tous je viens du Koweït. C'est extrêmement intéressant et je trouve que ça en dit long sur la prégnance de ces liens tribaux. Vous rajoutez à cela ce dont on parlait, la question de la pratique religieuse qui là pour le coup, donc on est sur des rites assez communs. Tout ça fait un ensemble assez cohérent. On substitue, Jérôme Lavandier, au mot tribu, le mot famille. Est-ce qu'on ajuste ou est-ce qu'on est à côté ? On rétrécit. On rétrécit. La tribu, il faut voir. Alors, je vais peut-être partir justement de la famille et même si je peux me permettre, de l'individu. Pour moi, il y a. C'est une échelle qui va très bien. Oui, non, c'est. On va s'y retrouver. On va essayer de partir comme ça. Lorsqu'on écoute, le Qatar. Déchaîne les passions en Europe de l'Ouest, en particulier en France. Je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais en France, c'est particulièrement le cas. Beaucoup de littérature récente, avec des niveaux variables. Beaucoup de fantasmes. Et beaucoup d'analyses qui prétendent voir des plans qatariens, stratégiques. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que je parle de l'individu, on part d'un émir. L'émir est entouré d'une famille, est entouré d'une cour, de conseillers, de courtisans. Les Qatariens, je l'ai dit tout à l'heure, sont très peu nombreux. Donc, d'une part, si vous ne faites pas partie, si vous n'avez pas accès à l'émir, surtout que le pouvoir est très personnifié, à l'échelle d'un individu, l'émir pense ceci, le lendemain il pense cela. Voilà, la stratégie du pays vient de changer. C'est aussi simple que ça. Donc, pour que son opinion change, il peut simplement lui arriver de voir certaines choses. Il y a également sa cour, ses conseillers, qui peuvent l'influencer, lui suggérer ceci, cela, généralement sur demande de l'émir. On ne va pas. J'ai la chance de côtoyer plusieurs membres de la famille royale dans un cadre amical. Et je me souviens avoir eu cette discussion avec eux. C'est vrai, mais la démocratie au Qatar, un des sujets tabous dans mes précédentes affectations. La démocratie au Qatar, pourquoi ? Enfin, vous avez un conseil consultatif, c'est pas assez, pourquoi n'allez-vous pas plus loin ? Et là, la réponse, elle est toujours la même. Nous sommes très peu nombreux. La taille des enjeux qui nous entourent est extrêmement conséquente. Tirer notre épingle du jeu est très compliqué. On ne peut pas se payer le luxe de la division. L'émir est notre chef, c'est lui qui fixe le cap. Si l'émir dit qu'on souhaite la Coupe du Monde, on veut tous la Coupe du Monde. De football, de handball. Si l'émir nous demande notre avis, alors on lui dit sincèrement notre avis. On peut. Hein. Si l'émir vous pose la question, et s'il ne vous pose pas la question, vous gardez votre avis pour vous, il ne compte pas. Je pense que c'est assez important. Évidemment, on a envie de vous demander si, à votre connaissance, l'émir demande souvent l'avis des autres. Je me garderai bien de... Devoir de réserve ? Non, pas simplement devoir de... Vous pouvez très bien nous le... Non, c'est pas ça. C'est que, d'une part, je n'ai pas accès à l'émir. Il me semble... Alors après, je dépends de la sincérité de mes interlocuteurs, qui, eux, sont consultés par l'émir. Donc je parle des membres de sa famille, des chers, qui sont plus âgés que lui, généralement. Et effectivement, il les appelle. Et il me semble bien que c'est souvent pour leur demander leur avis. Il y a des assemblées de famille. Certains ont le rang de ministre, certains ont refusé des positions de ministre. On revient à la question de la confiance. La confiance dont on parlait tout à l'heure, elle est vis-à-vis de l'étranger, elle est également vis-à-vis de l'intérieur. Vous avez des individus, d'ailleurs il suffit de regarder les institutions qatariennes, on retrouve souvent les mêmes personnes à différents postes de responsabilité. Et ça, ce sont les personnes, si elles sont là, elles ont la confiance de l'émir. Si l'émir a quelque chose à leur demander, quelque chose qui dépendrait de leur expertise, on peut, je pense, considérer qu'il va leur demander leur opinion. Mais ce retour à l'individu, Jérôme Lavandier, ne peut pas être uniquement autour de la figure de l'émir. Il y a aussi le citoyen. Alors, qu'en est-il du citoyen? Sachant que, à vous entendre, ce citoyen est extrêmement diverses. Oui, effectivement, mais d'ailleurs, composite. On reviendra sur la première question qui était celle de la tribu, de son articulation, mais pour finir sur ce point-là, le citoyen qatarien, alors c'est très amusant parce que les Qatariens vous disent c'est mon émir, c'est mon président. Donc je l'ai dit, l'émir garde le cap, c'est le chef, c'est celui qui représente à l'étranger, c'est le président de l'État du Qatar. Et sur la question donc du ressenti du citoyen, il peut y avoir effectivement des décalages. Il y a des décalages dans la société qatarienne qui sont plus ou moins visibles. Alors, on entend des choses, on en voit d'autres. Si on prend simplement la question de la pratique religieuse, de ce qu'elle peut concentrer comme croyance, comme pratique, il va y avoir des décalages. Effectivement, que lorsqu'on était, c'était particulièrement le cas avec l'ancien émir et son épouse, Sheramoza, qui apparaissait généralement dans des tenues colorées, des tenues de mode, voilées, mais dont on voyait les cheveux. Enfin, on se souvient de ses visites à l'Élysée, ici en France, avec un petit foulard autour des cheveux. On est très loin du port de la Baïa, avec où l'on voit simplement parfois les yeux, parfois même pas. Et donc vous avez, on va dire, deux franges de la population qui sont sur des lignes différentes, et l'émir, au gré de ses décisions, va nécessairement plaire ou déplaire aux uns et aux autres. Et il faut garder toujours ce qu'expriment certains des chers, dire que c'est l'intérêt supérieur du Qatar. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre ni de s'enfermer, la taille des enjeux, vous parlez tout à l'heure des géants qui entourent l'Arabie Saoudite, l'Iran, la présence américaine dans la région, le Qatar a besoin d'exister. Mais on peut aussi très bien l'interpréter comme une rhétorique fondée pour légitimer une autocratie. Alors là-dessus, il y a plusieurs interprétations. Ce ne sont pas évidemment du côté des premiers cercles ou du premier cercle qu'on obtiendra ce type de réponse. Il y a eu des débats sur le fait de dire est-ce que la pratique, les ouvertures démocratiques que l'on avait pu voir, la création de ce conseil consultatif dont je parlais, la création d'une constitution, qui paraissent aux yeux donc de nous autres occidentaux comme des progrès vers un État moderne, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est justement une stratégie pour un décor, pour plaire, notamment si on pense la défense du Qatar, elle dépend principalement des Américains, donc certains n'hésitaient pas à dire que le Qatar faisait des ouvertures pour se garantir la couverture du parapluie américain. Une fois encore, on est sur des questions de personnes. Donc auparavant, on avait une équipe dirigeante qui était celle de donc l'ancien émir, son premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui lui, a priori, était considéré comme étant sur une ligne différente. On avait le prince héritier, devenu l'actuel émir, et l'épouse préférée, mère donc de l'actuel émir. Donc on avait cette espèce de quatre points, quatre individus, chacun mettant en avant des idées, et l'émir, qui pouvait avoir ses propres idées, qui écoutait les trois autres et qui décidait. Donc, de là à juger s'ils étaient sincères ou pas, je pense que lorsqu'on considère les initiatives qu'a menées Sheramoza, donc l'épouse de l'ancien émir et mère de l'actuel émir, je pense que les initiatives sont particulièrement sincères, que c'est une personne moderniste. Il ne faut pas oublier qu'elle-même, par exemple, on parlait tout à l'heure sur la question de l'unité du peuple qatarien, y a-t-il des familles qui ont été laissées pour compte? Le père de Sheramoza était en exil parce qu'il était en conflit avec le père de l'ancien émir. Et lorsqu'il s'est marié, ça a permis que le clan donc Sheramoza, son nom de famille c'est Al-Misned, que le clan des Al-Misned revienne au Qatar et contribue. C'est un clan très important. Donc on a des à la fois des jeux de palais qui peuvent jouer, quand même beaucoup des jeux de personnes. Donc si on en revient à la question des individus, il y a des personnes au Qatar qu'on appelle des chers. Donc les chers les plus connus sont les chers Al-Thani, les membres de la famille royale. Le cher, qu'est-ce que c'est ? Le cher, c'est l'émir est en quelque sorte le roi. Un cher, ce n'est pas un roi, ce n'est pas vraiment un prince, c'est un chef. Donc dans la famille royale, tous portent le nom de cher. Ce qui est intéressant, c'est de regarder que dans la région, on a différents chers. On va trouver un cher pour une tribu qui va s'appeler par exemple les Al-Dosari. Il y a des chers qu'on va retrouver d'ailleurs en Arabie Saoudite. Chaque tribu a ses chers. Ce sont ses chefs, ses leaders. De là, il y a le clan, la famille du leader. C'est un chef qui commande ou c'est un chef haut-parleur ? C'est un référent. C'est un référent. C'est le garant de la tradition de la tribu. Chaque tribu a ses chants. C'est intéressant. Il est choisi, une fois encore, est-ce qu'il commande ? Il est reconnu, il est écouté, le cas échéant, il peut trancher. Le cas échéant, pas systématiquement. Si la situation l'impose, s'il y a des conflits, lorsqu'il prend la parole, voilà, tout le monde l'écoute. Et on est sur un système qui a, par certains endroits, une véritable forme de féodalité. On va se retrouver avec quelqu'un qui est pas vraiment des vassaux, mais des gens qui, hiérarchiquement, ne sont pas au même plan. Les plus jeunes, il faut voir qu'on est quand même sur une zone où la démographie... C'est très clairement pyramidal. Oui, très clairement. Pyramidal, parfois, on peut même avoir... C'est une pyramide où on va avoir un point haut, un trait, pour arriver à la base. Donc c'est vraiment une pyramide très, très étroite. Donc vous avez les chers. Les chers qui sont les chefs de famille. À ces familles, par le jeu des alliances maritalement, donc le gré des mariages, des amitiés qui se créent, vous avez des familles qui sont autour de la famille du cher. Donc vous avez certaines familles dont le cher porte un autre nom de famille. Donc là, on est parti de l'individu, de sa famille, des familles attenantes, et là on commence à avoir cette notion de clan. Et quelque chose qui transcende encore ça, donc une sorte de cohésion d'intérêt, de reconnaissance, de pouvoir au sein de la cellule familiale. Il y a quelque chose qui transcende, c'est la question de la tribu. Où là, on va avoir donc des ensembles de familles qui ont des traditions communes, des repères en commun. C'est assez... Alors, la notion de tribu, elle est diversement discutée par les anthropologues. C'est assez difficile de saisir ce que c'est qu'une tribu. En France, on a souvent la question c'est M. Godelier qui a beaucoup écrit sur le sujet. La tribu, et le rapport, par exemple, de la tribu et de l'État. Si on réfléchit à ce qu'a apporter le fait d'avoir des États qui se créent dans la région. L'Arabie Saoudite, au début, donc en 71, on a les différents Émirats, la Fédération des Émirats Arabes Unis qui se crée, le Qatar qui se crée, Bahreïn qui se crée. D'un seul coup, on se retrouve avec des frontières, à avoir des États qui se constituent et des nationalités. Vous étiez membre d'une tribu nomade. Vous vous promeniez comme vous le vouliez dans le désert, au bord de l'eau, vous retourniez dans les terres, dans les oasis. Et d'un seul coup, sans le savoir, vous avez un pied d'un côté et un autre pied de l'autre. Exactement. Là, la frontière. Oui, mais toi, tu es qatarien, toi, tu es saoudien. Ils font partie de la même tribu. À qui va leur... Où tournent-ils leur regard, leur cœur, leur âme, leur... voilà. Où se tournent-ils ? Et là, la réponse est très intéressante, parce qu'en définitive, on a... Je ne vais pas dire une schizophrénie, mais on a clair, parce que je pense que la dualité se vit bien. C'est-à-dire qu'ils n'oublient pas quelles sont leurs origines tribales. Donc la tribu, c'est une composante essentielle de l'identité de l'individu et de sa famille. Mais également, puisque la construction de l'État et les projets qui y viennent, il faut regarder ce que, par exemple, l'Arabie Saoudite a pu faire, mais ce que le Qatar a construit. On peut, je pense, considérer qu'une des volontés de l'émir, enfin des émirs successifs, c'est que ces projets permettent de stimuler une sorte d'orgueil national. Yeah. Jérôme Lavandier, vous êtes aujourd'hui avec nous pour que nous découvrions un peu plus l'histoire politique, et pas seulement, l'histoire également humaine du Qatar. Vous êtes l'auteur notamment d'un article intitulé « Une volonté au prisme de l'histoire ». Dans cet article, qui est paru dans la revue Confluence, une revue, un numéro entièrement consacré au Qatar, numéro 84 de l'hiver 2012-2013, on a un dernier point à vous demander sur la présence britannique. Cette présence britannique, elle va compter dans l'histoire politique du Qatar. Elle va être faite de protectorat qui vient, qui repart, qui est accepté, qui n'est plus accepté. Pour bien comprendre, disons, la lignée définitive, le Qatar va marche après marche, avec parfois des montées rapides, d'autres parfois qui sont entrecoupées de hoquets, filer droit vers son indépendance. Il reste qu'il y a ce qui est à la fin du 19e siècle le plus grand empire du monde, tout simplement, avec lequel il faut composer. Alors voilà, en 6 minutes à peu près, cette relation se passe-t-elle? Le Qatar est... Alors d'une part, il faut voir effectivement la question du protectorat. Le Qatar se retrouve vraiment sous le giron strict du Royaume-Uni à la chute de l'Empire ottoman. Donc ça, on est dans les années 1916. Il y avait déjà eu une convention, je parlais de la bizarrerie d'avoir à la fois les Ottomans et les Anglais qui influaient sur le Qatar. Et il y a eu une convention anglo-turque qui avait été signée en 1913, si ma mémoire est bonne. En 1916, c'est fini, l'Empire ottoman s'effondre. Et là, le Qatar signe avec les Britanniques, ce qui est un fait marquant, puisque les Qatariens traitent avec les Britanniques. Ils sont reconnus comme peuple, comme État. C'est vraiment la modernisation, enfin la création du Qatar moderne. Donc ensuite, le protectorat, comment se passe-t-il? Eh bien, comme souvent dans la région, les Britanniques ont eu le nez creux. Ils ont commencé à regarder ce qui pouvait se trouver sous terre. Et naturellement, ils ont trouvé leur Ils ont un nez creux car il est obsessionnel. Quelles affaires peut-on faire? Ça, c'est des grands charmes des Indes. D'ailleurs, le Moyen-Orient, c'est cela pour les Britanniques. On a les Indes et au milieu, on a cette zone, le Moyen-Orient. Donc l'Orient étant l'Inde, on est dans cette région et effectivement, ils ont beaucoup creusé. Trouvé. Mais néanmoins, donc sur cette partie-là, les premières traces de pétrole, on les trouve justement juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en 1939. C'est là où on trouve les premières traces de pétrole. L'exploitation commence en 1949, sur terre, onshore, ce qu'on appelle le onshore, et offshore un peu plus tard, dans les années 1964. Il faut savoir qu'en définitive, les Britanniques avaient particulièrement bien réfléchi à leur coup, puisque en 1916, lorsque il y a un traité Qatar-Royaume-Uni qui se crée, donc il devait créer un protectorat de fait, il y a un article 5. L'article 5 de cette convention prévoit l'établissement de concessions pétrolières. Ça, c'était quelque chose qui était prévu par les Britanniques. C'est le traité au cas où on trouve, on a déjà signé avant. Ils ont trouvé, et les Qatariens avaient cédé, en quelque sorte, l'exclusivité des droits aux Britanniques. Ça a duré un moment, naturellement, au bout d'un moment, les Qatariens ont notamment utilisé la concurrence la concurrence poussée beaucoup, notamment celle des Américains, déjà, qui souhaitaient venir exploiter. Et donc, les Qatariens ont renégocié avec les Britanniques. Ils ont renégocié pour toucher une part assez substantielle, quand même, de cette exploitation. Donc, déjà, quand on s'imagine le rapport de force, comment parviennent-ils à l'obtenir, cet accord-là? Principalement, là, on est quand même sur des traités. Donc les traités peuvent se rompre. Justement, c'est ça qui est intéressant dans la signature d'un traité, c'est que c'est une reconnaissance. À la fois, les Britanniques signent avec eux, et donc les reconnaissent qu'il y a une entité souveraine en face. C'est ça qui est intéressant. Donc on se met sous la Les traités ne sont pas immuables, c'est ça que vous dites. Ça peut paraître fou, mais en l'espèce, je pense que ça a été le jeu, et les Qatariens, on peut dire qu'ils sont assez doués lorsqu'il s'agit de négocier avec plusieurs parties en jouant la concurrence, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Voilà, ils ont agité la menace des faveurs que les sociétés d'exploration-production américaines leur proposaient, et les Britanniques ont acheté la paix et la durabilité. Alors ce qui est intéressant, c'est que plus tard, on arrive dans les années 67, il y a eu une dévaluation de la livre sterling qui a eu beaucoup de conséquences. Je crois que la livre a été dévaluée de plus de 14%. On est sous Wilson et ce gouvernement travailliste. Du point de vue britannique, c'est dévaluation et on va se retirer. C'était pas du tout prévu. Quelque chose avait été suggéré, mais on l'attendait plutôt dans le courant des années 70. Et là, ça a énormément de conséquences. Ça a énormément de conséquences parce que, d'une certaine manière, c'est la porte ouverte donc, à l'expression des identités locales. Donc les Britanniques annoncent qu'ils ne peuvent pas supporter la présence de leurs soldats, de leurs troupes. Ils se retirent. Bon, ils laissent naturellement les sociétés privées qui doivent exploiter le pétrole, mais ils se retirent. Et là, donc, on a une sorte de concert dans la région, donc de Bahreïn, des différents émirats, donc ce qui va former la Fédération des Émirats Arabes Unis. Et le Qatar se trouve à promouvoir l'idée d'une fédération. C'est amusant. Ah, c'est lui qui... Ah, absolument, qui oui. Et là encore, on avait au sein de la famille Al-Thani deux branches. Il y avait ceux qui promouvaient ce projet, ceux qui y étaient opposés. En définitive, se sont maintenus au pouvoir ceux qui défendaient ce projet. Mais alors, pour différentes raisons qui vont d'une part, les Britanniques accueillaient d'un bon œil la création d'une fédération et suggéraient des idées de constitution. Enfin, en tout cas, ils essayaient de suggérer un cadre. Ça énervait la susceptibilité de nombreux émirs, de leur entourage. Ce qui fait que certains y ont vu de l'ingérence étrangère. Il faut voir qu'en même temps, l'Arabie Saoudite soutenait le projet, que l'Iran, elle, y était opposée. Au final, ce qui est très amusant, c'est qu'en 1971, on a d'un seul coup donc Bahreïn qui, le 15 août, se déclare indépendant, le 3 septembre, le Qatar qui se déclare indépendant, et les Émirats Arabes Unis, un peu plus tard, donc le 2 décembre, qui se déclare indépendant. Donc on aurait pu avoir une fédération des Émirats Arabes Unis qui aurait pu partir de ce que l'on connaît aujourd'hui les Émirats Arabes Unis de l'Est, donc de Sharjah, jusqu'à Bahreïn. Ça ne s'est pas fait. Parce que les Britanniques ont essayé de façonner la création de ce nouvel État, mais également parce qu'il y avait clairement des querelles. Il faut être clair, le Qatar et Abu Dhabi, justement, on n'est pas sur les mêmes tribus, il y a de grandes divisions, des lignes de fracture, et donc là-dessus, on a une séparation. Derrière l'héritage de ça, les Britanniques sont chassés, mais on a quand même des liens, la formation. L'ancien émir avait été formé à l'école militaire de Sandhurst, l'actuel émir, Sher Tamim, a été également formé à Sandhurst. Donc on a tout de même des liens assez forts, et si je peux me permettre, ça c'est une interprétation plus personnelle, quand on regarde le mode de vie de ces dynasties, parce que maintenant on peut parler de dynastie des Al-Thani au Qatar, de la dynastie celle qu'on va retrouver, les Al-Nahyan à Abu Dhabi, on a quelque part ce tropisme pour la couronne britannique. Parce que vous regardez ces jeunes monarchies du Golfe, puisqu'on les appelle les monarchies du Golfe, vous avez en face la monarchie britannique. Des siècles d'histoire, et eux, on peut le ramener à des décennies. Quand on va chercher plus loin, on peut pousser ça à quasiment l'échelon d'un siècle. Mais il y a le rite de la couronne britannique, son faste. Ça, je pense que c'est un tropisme qui habite les gens du Golfe, le Qatar en particulier, de suivre la pratique de la cour britannique. Et ça, c'est peut-être un des points avec, dans le cadre des affaires, les Britanniques restent quand même... la communauté qui tient beaucoup d'affaires privées au Qatar. Je pense que là, on a des lignes dans la continuité de ce que l'histoire a généré qui sont intéressantes à lire. Jérôme Lavandier, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Demain, la suite de cette évocation avec un nouvel invité, le chercheur Karim Sader.